et que j'adore. Tu étais l'héritière du péché originel. Reviens sur terre pour me redonner le goût du sel. Habite leur corps, tu as les plus belles croupes que j'ai posées sur un lit de cristal. Habite leur corps, nous allons être ce couple qui va oser se prendre un bel écrit de métal. Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps. À celle qui m'attend au ciel et que j'adore. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. Ouvrez vos maisons closes à celle qui descend du ciel et que j'adore. Matérialise-toi dans un moule de chair, on réalisera ce qui t'est le plus cher. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. Ouvrez vos maisons closes à celle qui descend du ciel et que j'adore. C'est le titre Au nom de la rose sur RGM, un peu plus de 8h37. On parle anniversaire. Ils sont nés un 29 août 1935, naissance de William Friedkin, réalisateur américain connu pour le film French Connection qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur ainsi que L'Exorciste. 1938, naissance d'Elliot Gould, acteur américain vu dans MASH dans le rôle du capitaine John Francis Xavier McIntyre. Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13 dans le rôle de Ruben Tischko. Dans Contagion, dans le rôle du docteur Ian Sussman, dans la série télé Friends, dans le rôle de Jack Geller, New York Police Judiciaire ou encore Hawaii 5-0. 1939, naissance de Joel Schumacher, réalisateur américain qui l'on doit Satellite Fire, Le Choix d'Aimer, Batman Forever, Le Droit de Tuer, Batman et Robin, Fun Game, Le Fantôme de l'Opéra, 12 ou encore la série House of Cards. 1949, naissance d'Igor et Grishka Bogdanov, présentateur et producteurs télé français qui ont présenté l'émission culte Temps X et également l'émission Rayon X. 1959, naissance de Rebecca de Mornay, actrice américaine vue en 1993 dans le film Les Trois Mousquetaires dans le rôle de Milady de Winter ainsi que dans American Pie 4 dans le rôle de Rachel et vue à la télé dans Hawaii 5-0 ou encore Lucifer. 1971, naissance de Carla Gugino, actrice américaine vue dans Judas Kiss dans le rôle de Coco Chavez où elle est également productrice, dans Spy Kids 1, 2 et 3 dans le rôle d'Ingrid Cortez, dans Sin City dans le rôle de Lucille, La Nuit au Musée, Monsieur Popper et ses pingouins dans le rôle d'Amanda, dans la série télé Falcon Crest dans le rôle de Sydney St. James, La Vie à tout prix dans le rôle du docteur Gina Simon, Karen Cisco dans le rôle de Karen Cisco ou encore la série Entourage. 1974, naissance de Mousse, chanteur français. 1978, naissance de Jérémy Elkaïm, acteur français connu pour son rôle de Gabriel dans le film Police de Maïwenn. 1979, naissance de Youssoupha, rappeur français. 1980, naissance de David Desrosiers, musicien canadien, bassiste du groupe Simple Plan, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre « When I'm Gone ». Going nowhere, expecting sympathy. Voilà pour l'extrait du groupe des Simple Plan. 1981, naissance d'Emily Dequen, actrice belge, vue dans le film Rosetta dans le rôle de Rosetta, Le Pacte des Loups dans le rôle de Marianne de Morangias, la fille du RER à perdre la raison dans le rôle de Muriel, Maman à tort, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel dans le rôle de Madeleine Péricourt. C'est également l'année de naissance d'Hugues Dubosc, ancien nageur français spécialisé dans la brasse qui aux Jeux Olympiques compte 3 médailles de bronze au championnat du monde grand bassin, une médaille d'argent et une de bronze, championnat d'Europe grand bassin, une médaille d'or, 6 d'argent et 3 de bronze, et en petit bassin, une d'or, 2 d'argent et une de bronze. 1982, naissance de Kian Kojandi, acteur humoriste français connu pour la série Télé Bref, vu au cinéma dans Casse-tête chinois dans le rôle d'Antoine Garceau, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel dans le rôle de Dupré, ou encore plus récemment dans le film Santa et compagnie d'Alain Chabat. 1986, naissance de Léa Michel, actrice et chanteuse américaine qui a commencé sa carrière au théâtre à Broadway en jouant le rôle de Cosette jeune dans la pièce Les Misérables. Au cinéma, on a pu la voir dans le film Happy New Year dans le rôle d'Élise. On la connaît surtout pour son rôle de Rachel Berry dans la série télé Glee et vue également dans les séries Sons of Anarchy ou encore Scream Queens. 1990, naissance de Nicole Anderson, actrice américaine, vue dans Lolita Malgré Moi 2, la série télé Jeunesse dans le rôle de Messi Misa, Beauty and the Beast dans le rôle d'Heather Chandler ou encore Pretty Little Liars. 1991, naissance de Damien Piquera, rameur, français, qui au championnat du monde compte 2 médailles d'or et 1 d'argent. En 2000, naissance d'Hélène Raguenès, séiste française qui au championnat du monde de décembre 2018 a été un médaillé d'or en C1 sprint par équipe et médaillé de bronze en C1 classique par équipe et en C2 classique. En 1967, décédé Charles Darrow, inventeur américain d'un célèbre jeu qui a une casse chance, une casse communauté, la casse prison et également la rue de la paix. Voilà, vous l'aurez reconnu, hein, bien évidemment, ce jeu qu'on ne peut pas citer. 1982, décédée Ingrid Bergman, actrice suédoise, vue dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Casablanca dans le rôle d'Isa Lund, Antis dans le rôle de Paula Alkis, Keke Anton qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice, Pour qui sonne le glas. En 1948, dans Jeanne d'Arc, dans le rôle de Jeanne d'Arc, vue également dans Anastasia, dans le rôle d'Anastasia qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice, Le crime de l'Orient Express, dans le rôle de Greta Olson qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et en 1987, décédé Lee Marvin, acteur américain, vu dans Règlement de compte dans le rôle de Vince Stone, L'homme qui tua Liberty Valance dans le rôle de Liberty Valance, ou encore Les 12 salopards 1 et 2 dans le rôle du major John Reisman. Allez, avant de marquer une petite pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis. On commence avec le film Keen, le commencement, un film d'action thriller science-fiction de Josh Baker et Jonathan Baker avec Mae Street, Jack Raynor ou encore Zoe Kravitz. Autre film Guy, comédie dramatique de et avec Alex Lutz, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps, qui joue aux côtés de Tom Dingler et Pascal Arbillo. Autre film 22 Miles, un film d'action thriller de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan et Iko US. Autre film, Bonhomme, comédie dramatique de Marion Vernoux avec Nicolas Duvauchel, Anna Girardot et Béatrice Dalle. Et enfin, dernier film, Braqueur d'élite, thriller, action de Stephen Cole avec J.K. Simmons, Sullivan Stapleton et Clémence Chic. Voilà pour les sorties ciné. On fait tout de suite une pause avec le rappeur Youssoupha et son titre, On se connaît. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi. Que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand

Football, deuxième tour de la Coupe de la Ligue et ça va mal hein, pour Nancy qui n'y arrive décidément pas en ce début de saison. Dans le temps réglementaire, ça fait match nul, hein, même après les prolongations face à Orléans, un but partout. Les deux équipes se sont départagées au tir au but et c'est Orléans qui s'est imposé 5-3 après la séance donc, de tir au but. Et Metz s'est qualifié au tir au but 5-3 également puisqu'il y avait un partout face à Lens. En National 3 ce soir, c'est le derby. Tahon reçoit Raon L'Étape. En basket, match amical, le Jet Vosges s'est imposé sur le parquet de Kaisersberg 74-78. Un mot de cyclisme avec la Vuelta, la quatrième étape remportée par King. Le premier français, c'est Pierre Roland qui s'est classé troisième. Nasser Bouhanni termine loin, très loin, 107e. Et on s'envole maintenant pour l'US Open où il fait chaud, très chaud en ce moment et c'est compliqué hein, pour les joueurs et ça a été très compliqué d'ailleurs pour Alizé Cornet hier qui a malheureusement dû s'incliner en 3-7 face à Larson hein, notamment à cause de la chaleur. 4-6, 6-3, 6-3. Autre défaite côté tricolore, c'est Tan qui s'est incliné en 2-7 face à Bouchard, 6-3, 6-1 et Pauline Parmentier s'est inclinée en 2-7 face à Keys, 6-4, 6-4. Caroline Garcia, elle s'est qualifiée en 2-7 face à Konta, 6-2, 6-2. Et Mladenovic s'est qualifiée en 2-7 face à Zidanecek, 6-0, 6-3. Wozniacki s'est qualifiée en 2-7 face à Stosur, 6-3, 6-2. Ostapenko s'est qualifiée en 3-7 face à Petkovic, 6-4, 4-6, 7-5. Angélique Kerber s'est qualifiée en 2-7 face à Gasparian, 7-6, 6-3. Kvitova s'est qualifiée en 2-7 face à Vic Meyer, 6-1, 6-4. Sharapova et Bertens se sont toutes les deux qualifiées en 2-7 et Gazadkina, elle s'est qualifiée en 3-7. Pas de Française sur les cours aujourd'hui, mais des têtes de série, notamment Sloane Stephens face à Kalinina. Serena Williams affrontera Witthoft. Venus Williams se repose à Georgie. Svitolina affrontera Maria. Muguruza se repose à Mukova. Gorge à Makarova. Pliskova à Bogdan et Mertens à Lapko. Et côté messieurs, eh bien, ça a plutôt bien réussi pour nos tricolores. Richard Gasquet s'est qualifié en 3-7 face à Sugita, 6-3, 6-1, 6-3. Gaël Monfils s'est qualifié en 4-7 face à Banis, 7-6, 3-6, 6-0, 6-0. Julien Beneteau s'est qualifié en 4-7 face à Cecchinato, 2-6, 7-6, 6-3, 6-4. Lucas Pouille s'est qualifié en 3-7 face à Madden, 7-6, 6-2, 7-5. Benoît Paire s'est qualifié en 4-7 face à Novak, 7-6, 3-6, 7-5, 7-6. Herbert s'est qualifié en 3-7 face à Bombry, 6-3, 7-6, 7-5. Nicolas Mahut, lucky loser, repêché, a affronté le français Moutet. Moutet qui devait au départ affronter Vezeli, mais il y a eu un duel franco-français. Eh bien, c'est Nicolas Mahut qui s'est qualifié donc pour la suite du tournoi en 4-7, 6-2, 7-5, 5-7, 6-4. Manarino, en revanche, lui s'est incliné en 4-7 face à Tiafoe. 6-1, 6-4, 4-6, 6-4. Djokovic, lui, s'est qualifié en 4-7 face à Fuxovic. 6-3, 3-6, 6-4, 6-0. Federer s'est qualifié en 3-7 face à Nishioka. 6-2, 6-2, 6-4. Alexander Zverev s'est qualifié en 3-7 face à Polanski. 6-2, 6-1, 6-2. Nick Kyrgios s'est qualifié en 4-7, tout comme Fabio Fognini. Schwartzman, Goffin et Carreno Busta, eux, se sont qualifiés en 3-7. Et Marin Cilic, lui, s'est qualifié suite à l'abandon de son adversaire. Au programme d'aujourd'hui, des gros matchs pour nos tricolores. Humbert affrontera Stan Wawrinka, Jérémy Chardy lui se repose à Anderson et Gilles Simon à Raonic. Il y aura également Andy Murray face à Verdasco, Nadal opposé à Pospisil, Del Potro à Kudla, Isner à Jarry, Tim à Johnson et enfin Tsitsipas à Medvedev. Voilà pour l'actu sportive. On marque tout de suite une dernière pause musicale avec Léa Michel et son titre « If You Say So ». It's been 7 whole days since you paralyzed me. 7 whole days since you lost your fight. out of my head. 7 whole days, 7 whole days in 4 words. And I can't get away from the burning pain. I lie awake, and the fallen hero haunts my thoughts. How could you leave me this way? It's been 7 whole days, 7 whole days since I heard the phone ring. 7 whole days, 7 whole days since I heard your voice. And I can't get the last words that you say, can't get those words out of my head. It's been 7 whole days, 7 whole days of pure hurt. And I can't get away. Looking for you, I check my phone and wait to hear from you. In the crowded room, the joker is so cool. And now I never know if all I've been told is just a lie so bold. I thought we would grow old. Mirrors in the smoke left me here to choke. It's been 7 whole days without you. If You Say So de Léa Michel, titre composé pour son ancien petit ami décédé prématurément, avec les derniers mots qu'il lui a dit. Très très belle chanson, très émouvante. Et allez, il est 8h59, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui dans quelques minutes, même pas quelques secondes. À 9h, ce sera Regarde ailleurs. À 18h, L'heure des loups avec loups, consacrée à chats sans famille. 21h, ce sera la rediff de Vincent ou de François, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.